partir dans son chanton tous avec Musette Party. C'est réussi, Musette Party a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Le cœur est plein d'entrain, chassant tous nos soucis. Et puis, Musette Party, c'est notre vie. Et c'est parti, dans son chantons tous avec Musette Party. C'est réussi, Musette Party a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la folie guère peu, ça remplira les cœurs de joie, de bonheur. Pour oublier jusqu'à demain toute peine et tout chagrin, un peu d'accordéon, c'est bon. Bonjour auditrices et bonjour auditeurs de Radio Guimauzo et Résonance FM, bienvenue sur Radio Guimauzo, donc sur le 107.0 à Saint-Étienne-lès-Miremont, 88.1 à la Bresse, et bien c'est sur Résonance FM, et ce tous les samedis matins et tous les dimanches matins. Le samedi matin entre 10h et midi sur Radio Guimauzo, dès 11h sur Résonance FM à la Bresse. Et le dimanche, eh bien, sur Résonance FM à la Bresse, sur le 88.1, eh bien, c'est dès 5h le dimanche et sur Radio Guimauzo à Saint-Étienne-lès-Miremont, eh bien, c'est le dimanche dès 7h. Et vous nous écoutez également, vous pouvez nous écouter sur Internet, hein, sur radioguimauzo.eu. Alors un grand merci aux auditrices, aux auditeurs, à vous, aux internautes également. Et bienvenue dans cette partie. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir le nouvel album de Nathalie Bernat, que nous aurons tout à l'heure l'honneur d'avoir dans Musette Party, hein, par téléphone. Mais pour l'instant, c'est Christelle Jean-Blanc qui ouvre le bal avec une marche. Une marche, ça s'appelle Miss Marche. Alors Miss Marche, c'est une composition de Christelle Jean-Blanc, Martial Villemain, Jérôme Richard, Pierre-Yves Lombard. Et vous pouvez retrouver cette marche dans le tout dernier album de Christelle Jean-Blanc, Souvenir d'une dernière valse. Alors, c'est Christelle qui ouvre le bal dans Musette Party. Et sachez que si vous voulez danser avec Christelle au son de la grenouille de Christelle, eh bien elle sera le 15 avril en Côte d'Or pour un thé dansant au bal Lazare à La Roche-Vanneau. en Côte d'Or de 16h à 21h, donc pour un thé dansant. Le 15 avril. Et autrement, elle sera du côté de... Ah bah, un numéro de téléphone quand même pour le bal Lazare, si vous voulez plus d'infos. Puisque c'est tous les dimanches que l'on y danse là-bas. De 16h à 21h. C'est le 06 12 11 64 39. Je répète, 06 12 11 64 39. Et autrement, vous pourrez danser avec Christelle en Haute-Marne du côté du Foulon à Bourbonne-les-Bains. De 15h à 19h30, le mercredi 25 avril. Allez, Miss March. Pour faire la fiesta, les voilà libres désormais de vivre comme il leur plaira. Ils se rencontrent le dimanche dans les guinguettes, l'été dansant, robe claire et chemise blanche, ils sont toujours très élégants. Thank you. La retraite, c'est la fête. Notre cœur a toujours 20 ans. Il n'y a plus rien qui nous arrête. On ne voit pas passer le temps. Ils aiment aussi se retrouver entre amis pour un apéro et s'amuser, rire et chanter autour d'une table au resto. Partir à la mer en voyage, parce que le secret de l'amour, les souvenirs qu'ils se partagent, ils les garderont pour toujours. La retraite, c'est la fête, on ne s'ennuie pas un instant. La vraie jeunesse, c'est dans la tête, c'est bien ça le plus important. La retraite, c'est la fête, notre cœur a toujours 20 ans. Il n'y a plus rien qui nous arrête, on ne voit pas passer le temps. Quand ils s'en vont faire des croisières sur la mer Méditerranée, ils dansent pendant des nuits entières sur des tempos très endiablés. Sur le bateau, dans la lumière, le bonheur est à partager. Chacun s'éclate à sa manière, sans jamais être fatigué. Oui, la retraite, c'est la fête, on ne s'ennuie pas un instant. La vraie jeunesse, c'est dans la tête, c'est bien ça le plus important. La retraite, c'est la fête, notre cœur a toujours 20 ans. Il n'y a plus rien qui nous arrête, on ne voit pas passer le temps. Eh bien voilà, c'était Nathalie Bernat avec son nouvel album, que nous découvrons aujourd'hui, en ce samedi. Donc vous êtes partis avec cet album. Un bel album, en tout cas, que nous vous conseillons. 21 titres et Étoile Occitane, c'est le titre de cet album, Étoile Occitane. Et oui, Nathalie Bernat, que nous aurons juste après la série de Bourri qui arrive en ligne. Donc, restez branchés hein, sur le 107.0, 88.1. Et là, bien, on va aller du danser la bourrée avec, on reste avec Nathalie Bernat. Et là, ça s'appelle En rentrant d'Aurillac. Eh bien, c'est une bourrée. Allez, c'est la série de bourrées. Dans mes autres parties, on chausse les sabots et En rentrant d'Aurillac. Nathalie Bernat. Bien, alors là, c'était votre serviteur Cyril Renaud. Dans Mes êtes parti, hein, toujours avec la bourrée. On aime bien les bourrées. Hein. Dans Mes êtes parti. Et donc là, c'était Promenade en Aveyron, interprété par Cyril Renaud. Donc une bourrée que vous pouvez retrouver dans une compilation qui s'appelle Accordéons-nous, volume 2, avec la présence de Christelle dans cette compilation. Il y a également ses enfants, Laura Vimard et Anthony Vimard. Voilà, donc Promenade en Aveyron, c'est de Pierre-Alain Krumnacher, Joël Saint-Hillé et Cyril Renaud. Alors pour information, bien, je vous donne rendez-vous en Côte d'Or, au Bleu d'Avo, à Julianay, plus précisément, le dimanche 15 avril, pour un thé dansant, de 15h à 20h. Alors le numéro de téléphone pour plus d'infos, c'est le 06 41 19 55 61, je répète 06 41 19 55 61. Donc ça, c'est pour le dimanche 15 avril. Voilà, donc comme promis, nous avons en direct depuis où déjà? C'est dans le sud, hein? De l'Auvergne. De l'Auvergne, voilà, oui. C'est voilà. Dans le sud. Oui, bah, par rapport à chez vous, c'est dans le sud. Voilà, bonjour Nathalie. Bonjour Cyril et bonjour à tous les auditeurs de Radio Gémozo. Ben voilà, c'est bien, t'as bien appris ta leçon. Ah mais je vous écoute depuis ce matin, moi. Ah, ça fait plaisir d'être écouté avec là-bas. Avec bonheur, j'ai vu que c'était très très simple sur le site internet pour écouter, donc... Oui, c'est facile, hein. On peut nous écouter dans le pôle Nord, au pôle oui. Sud, partout, au Japon. Et alors c'est formidable, parce que nous, en Auvergne, tu sais, par rapport à chez vous dans les Vosges, je me suis aperçue du coup qu'on n'avait pas de décalage horaire. J'étais très heureuse. Ah, il y a pas de... non, il y a pas de décalage horaire. Non. Alors, bah, c'est la deuxième fois, je crois, que tu fais un insert téléphonique avec nous. Oui. Hein? Parce que tu avais déjà fait un insert téléphonique pour ton album d'avant. C'était le premier, dans le deuxième. Celui-là, c'est le cinquième. Ah, c'est le cinquième. Ah bah alors là, il y a un décalage horaire là, par contre. Hein, toi. Là, bah, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit, puisqu'on s'est croisé au tournage télé à Épinal, et c'est là que j'ai pu t'offrir mon disque. Tout à fait. Voilà, je te remercie d'ailleurs. Hein. Et bah, il fonctionne très très bien. Oui. Un album en 21 titres, hein, c'est ton tout dernier, celui-là, ça s'appelle Étoile Occitane. Voilà, Étoile Occitane, un hommage à notre belle région de chez nous, là, l'Occitanie, qui regroupe un peu tout ça, l'Auvergne, l'Aveyron, l'Aubrac, le Tarn, la Lozère. Ah oui, et tout ça, ça fait l'Occitane, l'Occitan, non? L'Occitanie, voilà. Là, l'Occitanie, c'est pas l'Occitan. Et l'Occitan, c'est le patois, la langue ancienne, voilà, de chez nous. Hein. Ah d'accord, tu peux essayer de nous dire un petit mot, là, en Occitan. Alors moi, je le comprends très bien, mais je le parle pas beaucoup. Par contre, le dernier morceau du disque est en Occitan. Ah oui, d'accord. Je sais pas si tu l'as remarqué. Si. Et du coup, voilà, je voulais faire un disque, comme d'habitude, un hommage à C'est limite espagnol, non? Un peu, non? Ah, ça ressemble un petit peu pour quelqu'un qui n'est pas de la région, voilà. Oui. Voilà, voilà. Et du coup, je voulais faire un disque en hommage à ma région, comme d'habitude. Oui. Puisque moi, tous les week-ends, dans les bals, je joue vraiment beaucoup de musique traditionnelle, de folklore de chez nous. Bah oui. Mais comme on fait aussi des classiques du musette, des tangos, des passos. Voilà la recette, on va dire, de ce disque, avec aussi, bien sûr, quelques nouvelles compositions. Oui, des nouveautés, hein, comme la cumbia. C'est la danse nouvelle aussi, un peu dans ouais, les dansants. Ouais, bah j'imagine que c'est à la mode aussi. C'est à la mode. Ah bah oui. Ouais. Oui, la cumbia, il y a la bachata aussi. La bachata aussi, le sirtaki. Oui, j'en ai une de prête pour mon prochain CD. Bachata, c'est à la mode, ouais. Oui. Le tango solo, tout ça, quoi, voilà. Voilà. Bon, oui. Nous, on va dire, on n'en fait quand même pas beaucoup, beaucoup des danses en ligne. Oui. Il y a aussi, tu sais, la hora de Benjamin Durafour qui marche pas mal chez nous, là. Oui. Eh ben, c'est un gars de chez nous, ça, enfin, voilà. De la Côte d'Or. C'est pour ça que oui. Je t'en parle. D'accord. Et comme dans nos balles, on fait voilà du folklore et du musette, en gros. C'est l'histoire de ce disque qui laisse la part belle à la musique traditionnelle folklorique auvergnate. Oui. Mais aussi au classique du musette que tout le monde connaît, les passos, les tangos, les boléros. On a enregistré le grand classique Maman la plus belle du monde que tout le monde connaît. Parce oui, que oui. Je ne voulais pas mettre que des compositions, je voulais mettre aussi nos belles chansons françaises. Voilà. Bah bien entendu, oui. C'est important aussi. Hein. Voilà, voilà. C'est tout. Très bien. Alors, comment t'es venue l'idée? Parle-nous de tes débuts. Pourquoi t'as voulu jouer de l'accordéon par rapport à tes parents, je pense, non? Non, pas par rapport à mes parents, par rapport à la... Mais c'est pareil, par rapport à la dame qui m'a élevée, à ma nourrice, mais qui est ma maman de cœur. Hein, ah oui, d'accord. Qui s'appelle Renée, qui est toujours en vie, avec qui j'ai des liens très forts. Oui. Qui aimait beaucoup la musique. Tu sais, chez nous, c'est Jean Ségurel, le pape hein, de l'accordéon. Oui, bah oui. Et qui aimait beaucoup cette musique traditionnelle, cadencée, de Jean Ségurel. Et on allait, quand j'étais plus petite, hein, voilà, on allait voir les répétitions tous les mercredis, donc avec ma nourrice, d'un groupe folklorique. Oui. Et alors moi je trouvais que les filles dans ce groupe folklorique, elles avaient des robes formidables, que c'était très joli. Et j'ai voulu intégrer cette école de folklore. Un peu féerique quoi, non ? Oui, voilà. Et cette école de folklore était à Saint-Flour, dans le Cantal. Et tu vois, c'est une belle histoire. Parce que maintenant, chaque fois qu'on tourne un DVD, parce que Étoile Occitane, là, il est sorti aussi en DVD. D'accord. Chaque fois qu'on fait un CD, un DVD, et ben, ce groupe folklorique qui m'a permis de débuter, d'apprendre la cabrette et l'accordéon, et ben, ils viennent danser au bal de notre DVD. Ah oui, d'accord. Après, tu vois, c'est génial. Hein. Oui, oui. Ah oui, et alors j'ai commencé comme ça, j'ai commencé par la cabrette, moi qui est comme la cornemuse, hein. C'est mon premier instrument. Et la puis cabrette. Après quand je... voilà. Mmh. Et après quand j'ai pu un peu me dépatouiller avec la cabrette, je me suis attaqué à l'accordéon et puis on finit jamais d'apprendre, hein. Je travaille toujours. D'accord. Et t'as commencé à quel âge alors l'accordéon ? L'accordéon, j'ai attaqué, j'étais en sixième. Oui, donc oui, t'avais à peu près 12 ans. Ouais, 12 ans par là, tu vois. Oui, en général. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, mis à part si on redouble avant, quoi. Comme moi, par exemple, j'ai redoublé plein de fois, une vingtaine de fois au moins. Donc. Ah ben moi non, j'étais dans les clous, ah ben, à peu près. D'accord. Très bien. À peu près, donc et voilà, ouais. Après, bah, t'as ton orchestre. T'as eu ton orchestre, après, tu sais, ça s'enchaîne. Hein. Oui. J'avais des petits contrats autour de chez nous. Oui. Puis maintenant, on fait vraiment les quatre coins de France avec les galas d'accordéon. Tout ça, quoi. Et maintenant, c'est notre boulot à tout le monde dans l'orchestre. Voilà. On est bien contents. Puis c'est toujours la même équipe familiale qu'au début, les copains. Tu vois. D'accord. Donc, tu te déplaces dans le Nord, dans les Vosges aussi, hein, puisque tu viens... Je suis venue à la Bresse. À la Bresse, oui. Je suis venue aussi à la Bresse. Oui. Pour la deuxième fois, j'étais venue une fois en 2009 à ce beau festival à Cordes-Montagnes. Bah, c'est vrai que c'est un super festival. Hein. Ah, c'est formidable parce on s'amuse bien, puis c'est décontractant, enfin c'est reposant en même temps. Sans parler de ça, c'est énorme. Oui. Les balles, les connaissances, il y a du monde. Oui. Parce que c'est sûr que c'est les vacances et tout, mais bon, c'est plus sympa si les balles marchent bien. Et là, ça a été vraiment mené de main de maître, un succès, on peut dire, hein, pour Frédéric Buch cette année. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc, si tu veux, on poursuit la musique, là. Oui. Avec une rumba, non ? Allez, nuit de rumba. Nuit de rumba, alors c'est un morceau qui a été composé avec mon copain trompettiste Rodolphe Millet. Oui. Rodolphe Millet, c'est un copain trompettiste de la région parisienne qui accompagne des petits chanteurs comme Pascal Obispo, tu vois. Ah oui, d'accord, oui. Et, c'est quand même important. C'est une pointure. Je dis ça en plaisantant. Et du coup, Rodolphe, on travaille ensemble principalement pour les compositions, pas pour les balles, hein, puisque lui, il est toujours sur des scènes prestigieuses avec des chanteurs non moins prestigieux. Oui. Et il m'a composé cette très jolie rumba. Alors, donc, tu vas voir, comme lui, il est trompettiste, ça met beaucoup les cuivres en valeur. Voilà. D'accord, très bien. Donc, c'est lui qui joue, c'est une vraie trompette. Oui, et c'est pas une fausse, là. Voilà. C'est pas une synthétique. Non. Bien, alors c'est parti, nuit de rumba en ce jour. Oui. En ce jour, voilà, donc avec Nathalie Bernat en direct, en ligne depuis l'Auvergne. Fidèle auditrice, internaute, alors. T'as vu ? Ah oui. Donc, c'est bien, ça marche. Ah oui. Ah, ouais. Je voulais voir parce que tu sais, j'ai mis le lien sur mon Facebook. Oui. Pour faire de la pub. Oui. Je me suis dit, tu vois le coup que ça marche pas ou quoi, je vais encore me faire jeter des cailloux, donc je vais essayer si ça marchait. Ah bah mais bon, après, hein, si tu es pas pour grand chose, hein, si ça marche pas, c'est pas de ta faute. Non, mais d'accord, mais tu sais de pas mettre parce que j'ai mis aux gens qui pouvaient écouter partout, du coup, tu vois. D'accord. Il y a Pierre Alain Cruménacheur qui a mis qu'il n'y arrivait pas, lui, je sais pas comment il a fait. Ah, il n'y arrive pas. Ouais. Oh. Je vais mal réveiller. Peut-être. Il a encore les yeux collés. On le salue en tout cas au passage. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Nuit de rumba, Nathalie Bernat. là, c'était une autre accordéoniste, mais là, des Vosges. Tu connais certainement Myriam Thiebaud. Eh bah oui, on était ensemble en Espagne il y a quelques jours. Voilà, il y a 2 semaines, je crois, non? Oui, la troisième semaine de mars, chaque année, on fait le festival de la danse à Lloret del Mar, avec des départs en autobus de toute la France. Et l'orchestre, cette année, c'était Frédéric Buch, et ça sera eux aussi l'an prochain. Donc il y avait aussi d'accord. Myriam. Avec Myriam, autrement dit Mimi pour les intimes. Voilà. Et là, cet extrait de son tout premier album, son premier là, et son dernier, encore disponible. L'oiseau. Voilà, L'amour est un oiseau, je crois, non? L'amour est un oiseau. Voilà, c'était une rumba là, de Jean-Marc Torchi, Jean-Louis Yazonnier et Ludovic Beyer. Tu connais? Oui, très beau. Voilà, c'était Ilena, non, Ileana, oui, j'ai du mal à lire. Hein. C'est le matin. Voilà, donc en tout cas, merci de nous accorder ce temps. Hein. Eh ben, c'est avec plaisir. Écoute, voilà. C'est bien tombé là aujourd'hui. Moi, je pars pas de bonne heure. Oui. Donc, c'est sûr que c'est mieux parce que sur la route, tu sais, c'est la galère et puis il faut faire attention. Hein. Ah, bah, ça, c'est sûr, oui. Surtout, faut faire attention au képi, comme on dit chez nous. Voilà, au Papa 22. C'est vrai qu'il faut être vigilant maintenant. Hein. Oui. Donc là, ton album, il est sorti il y a combien de temps à peu près, celui-là? Fin novembre. 2017. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais. Et quand on parle de faire attention, nous, tu sais, comme on est très très souvent sur la route, oui. On a mis un clin d'œil sur l'album, du coup, un morceau qui va vite, une polka à variation, là, tu sais, un peu comme avant la caisse, tout ça, et on l'a appelé Attention au radar. Oui, j'ai vu, oui. Ouais. Avec le bruit, il y a le bruit de l'appareil photo à la fin, clic-clac. Ah bon? J'ai pas fait gaffe. Ah ben j'ai pas dû, oui, ben j'ai pas dû faire attention alors. Alors je me suis dit ça y est, j'ai été pris au radar. Ah voilà. Je l'ai écouté dans la voiture. Ouais. Oui, il est disponible donc en DVD également donc cet album. Oui. Oui. Oui. Si les gens veulent se le procurer. Les titres sont identiques hein. Le DVD. Oui, le DVD par rapport au CD. Ah oui, c'est exactement les mêmes titres. Sauf qu'il y a l'image en plus. Et le DVD, il est filmé au bal. Au bal. Mais pas que. Il y a des morceaux. On va dire les trois quarts des titres sont filmés au bal, dans une très jolie salle de la Lozère. Oui. En plein cœur de l'Aubrac, pour les gens qui connaissent. Hein, c'est un parc régional de chez nous, là, du centre de la France. Oui. Et les morceaux sont filmés au bal, donc dans une très jolie salle, avec les danseurs, notre orchestre sur la scène, etc. Et on a aussi filmé des titres en extérieur, puisqu'on a la chance, en France, hein, d'avoir de beaux paysages. Voilà. Voilà. Mais il faut qu'il fasse beau aussi. Il faut qu'il y ait du soleil. Ah bah, c'était un peu le... Tu sais, quand les jours de tournage, hein, c'est la galère, on en a prévu plusieurs. Oui. Mais on a vraiment eu... j'ai été beaucoup moins embêtée que pour les DVD précédents. On a vraiment eu de la chance. À chaque fois, il faisait beau. Ouais, il faisait un temps magnifique. On a fait juin et septembre, tu vois, les tournages. Oui. Et à chaque fois, vraiment, nickel, un grand soleil, super. D'accord. Très bien. Donc, tu tournes en orchestre. Vous êtes combien d'éléments en tout dans l'orchestre, autrement? Écoute, on fait comme tout le monde, c'est-à-dire que la plupart du temps, nous, on est quand même au moins 4, le batteur Jean-Claude. Le minimum, c'est 4. Voilà. Notre batteur Jean-Claude, Benjamin au piano et à la cabrette, qui est la cornemuse traditionnelle de chez nous. Le guitariste Didier et moi à l'accordéon. Oui. Mais on fait aussi, comme tout le monde, des fois des animations un peu plus réduites à 3 musiciens. Oui. Et on va jusqu'à 5 pour les animations plus costauds avec les cuivres, voilà. D'accord. On parlait tout à l'heure de la trompette. Oui. Et sur le CD, bah, du coup, on a enregistré avec les musiciens de l'orchestre. Rumba, oui, une très jolie rumba. Ouais, elle est jolie, ça change un peu, ouais. Oui. Voilà. Tu fais également des galas, tu te produis dans des galas. Oui, j'ai eu la chance, comme je joue pas mal de folklore auvergnat et que c'est de la musique qui est quand même un peu particulière, d'être invité aux quatre coins de France. Bah, tu vois, aujourd'hui, là, on est à côté de chez nous, mais demain, on va à Villefranche-sur-Cher. À Villefranche-sur-Cher, c'est vers Vierzon, donc tu vois, c'est pas du tout ma région. Ah oui. Et c'est pour un gala d'accordéon où on sera avec Gilou. Ah, avec Gilou, oui. L'accordéoniste de d'accord. Pierre Perret. Ah bah, tu lui feras un gros bisou de notre part. Voilà. Ah oui, Gilou. Oui. Donc c'est vrai qu'on fait pas mal de galas pour ça, pour le folklore auvergnat, parce que c'est de la musique traditionnelle, mais qui est dansante. D'accord. Oui. Ah bah oui, c'est vrai que c'est dansant, tout à fait. Et bah, comme tout style... Enfin, tout folklore. Oui, puis dans les galas d'accordéon, les gens... moi, je me rends compte maintenant, puisqu'on sillonne quand même les quatre coins de l'Hexagone, oui. que n'importe où qu'on soit en France, les gens, ils aiment la musique auvergnate, ça plaît quand même. Ah, c'est vrai que ça passe bien, la musique auvergnate, ils aiment bien aussi, c'est vrai. C'est rythmé, oui, c'est cadencé, ouais. tu vois... D'ailleurs, nous, Frédéric Buch, il a fait une bourrée, c'est la bourrée des Vosges. Ben, ouais, bah, je la connais, la bourrée des Vosges. Voilà, c'est comme c'est style auvergnat, quoi. C'est, voilà. C'est le même style. Ouais. Hein, voilà. C'est vrai que tout ce qui est un peu auvergnat, la polka, tout ça, c'est... Ouais, ça marche bien. Un petit passage comme ça dans les galas, les gens, ils apprécient. Mmh. Donc voilà, c'est pour les gens qui veulent se le procurer, mon CD, mon DVD, Étoile Occitane. Ils peuvent aller sur mon site internet, c'est très très simple. Il faut juste dans Google... Oui. Tapez mon nom, Nathalie Bernat, et vous arrivez immédiatement sur notre site internet. D'accord. Ou sinon, ils peuvent, toi, te passer un petit coup de fil à la radio, j'imagine. Ah bah oui, ils peuvent aussi, hein, oui. Et puis France. Après, on donne les coordonnées de Nathalie Bernat. Voilà. Voilà, en ligne. Tu transmettras. Voilà, Alors, qu'est-ce qu'on écoute ? Qu'est-ce qu'on écoute ? Bah tiens, on va aller danser le Passo Doble. Ah, si tu veux. Allez, le Passo de la Belle Andalouse. Allez, c'est parti. Et je crois qu'il y a un autre Passo Doble, c'est... Le Passo d'Esperanza, c'est le deuxième. Voilà. De Benjamin Durafour et Alexis Ballandier. Voilà, avec tes copains Benjamin et Alexis. Oui. Ça fait un moment qu'on l'avait composé, ce Passo Doble, et puis on l'avait toujours pas enregistré, et vraiment, il est chouette, alors j'ai dit, allez, on le met sur l'album. Voilà, ah ben, c'est vrai que ce sont deux Passo Doble qui déménagent quand même. Qui pètent, ah comme on dit chez nous. Ils pètent. Qui envoient du lourd aussi, non ? Voilà, voilà. Allez, c'est parti donc avec Nathalie Bernat et le Passo Doble. Il faut juste que je te retrouve, hein, parce que c'est vrai que nous sommes en direct. Hein, le direct, des fois, c'est... Enfin, des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Mais bon, c'est l'avantage et les inconvénients du jeu. Bah oui, bien sûr. Voilà. Allez, en piste, le Passo de la Belle Andalouse. Thank you. Et voilà pour la série de Passe Doble avec Nathalie Bernat, toujours en ligne avec nous. Eh oui, je suis toujours là. Ouais. Tu danses ? Je danse pas chez moi, non, pas encore. Non. Mais écoute, ça va peut-être venir. Hein. Mais autrement, t'aimes bien la danse ? T'aimes bien le danser, toi Enfin, sur moi, je danse pas beaucoup, non, parce que bah, avec l'accordéon sur le dos, c'est pas pratique. Hein. Oui. Mais sinon, ouais, c'est même à regarder, tu sais, chez nous, en Auvergne, là, il y a beaucoup de chorégraphies en ronde, etc. Oui. Je trouve ça vraiment très joli, ouais, de regarder les danseurs. Mais toi, tu pratiques pas la danse, enfin, folklorique, non. Tout ça, non tu... Pas trop. Parce que c'est vrai que des fois, sur scène ou même à la télé, on voit que tu danses quand même, tu fais les pas. Ouais, vite fait, tu vois, mais je danse pas plus que ça. Voilà. D'accord, oui. C'est pas quelque chose qui t'attire, non plus, peut-être. Si, mais bon, tu sais, on peut pas être au four et au moulin, quand même. Bah oui, tout à fait, oui. Voilà. Ouais. Donc le Passo d'Esperanza, c'est ce dernier Passo Doble hein, d'Alexis Ballandier, un Vosgien. Oui. Voilà. Et quel Vosgien ? Comment ? Et quel Vosgien ? Ah bah c'est un sacré Vosgien. Hein. Un vrai. Ah, il est gentil aussi. Ouais. Voilà, on le salue, ainsi que la famille Ballandier, parce que je pense qu'ils nous écoutent, hein, on n'est pas loin. On peut leur faire un gros bisou, à Mercedes aussi, on vous embrasse tous. Ouais, oui. Voilà, en tout cas, ce sont deux beaux passos dobles. Hein. J'espère qu'il vous plaît cet album hein, chez vous, si vous nous écoutez sur le 107.0 ou 88.1, parce qu'il y a deux fréquences. Hein. Il y a Radio Guémouzo sur le 107.0 et 88.1, c'est à la Bresse, c'est sur Résonance FM. Tu vois ? D'accord. Oui. Bah, c'est gentil quand même du radio de passer de l'accordéon quand même. Hein. De pas nous accepter. Chouette, ouais, hein. Toutes les semaines, ouais. C'est vrai qu'ils nous acceptent, ils sont pas chauvins. voilà, donc après le Passo Doble, ben, je sais pas, il y a de la mazurka, ouais, dans cet album, il y a du slow et du boston aussi. Oui, il y a même un rock'n'roll, on a essayé de faire pour tous les goûts. Hein. C'est pas que de l'auvergnat. Oui, c'est vrai que le rock'n'roll, c'est pas auvergnat. Non, mais si tu le passes, celui-là, tu verras, on a mis quand même beaucoup d'accordéon. Oui, j'ai déjà passé. J'ai passé, je ne sais plus quand, la semaine dernière ou il y a 15 jours. Les Santiago Pied, ouais. Ouais, super rock'n'roll aussi. Bah, ouais, il est chouette. Et puis pour le DVD, on s'est régalé, on l'a filmé avec une grosse moto Harley Davidson et tout, tu sais. C'est ah, d'accord, sympa. Oui. Ça dépoussière un peu, comme on dit. Voilà, pour rappeler l'Amérique, quoi. Ouais, bah, tu sais, on n'en avait jamais enregistré jusqu'à maintenant des rocks sur vraiment aucun album, nous. Et puis au final, dans chaque balle, on en joue un, tu sais. On jouait tout bêtement le classique là du rock, Bebop Lula. Oui. Et les garçons, Didier Fraisse, le guitariste, et puis Benjamin, qui m'accompagne toujours au piano, ils ont dit, mais attends, on a qu'à en faire un nous-mêmes, rock'n'roll, si c'est ça. Bah oui. Et donc on a composé ce morceau, là, les Santiago Pied, mais vraiment dans l'esprit rock cool, hein, tu vois, c'est pas non plus un tempo endiablé. Et il marche très très bien. Et ben, on va justement d'ailleurs le jouer à la télé chez Michel Pruvot la semaine prochaine. D'accord, où tu te produis. Dans le nord, là. Dans le nord de la Vieux France, Berquin. Voilà. À Vieux Berquin. Pour les tournages télé de Michel Pruvot, on va jouer... Sur un air d'accordéon, ça s'appelle. Hein. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Bah, tu vois, ça change un peu, c'est sûr, des passos, valses, etc. Bah oui, voilà. C'est une très belle émission, d'ailleurs, si vous aimez l'accordéon, bah, que vous voulez encore plus d'accordéon chez vous, eh bien, vous allez sur Weo, hein, je crois. C'est sur Weo, hein, c'est ça c'est l'émission. Hein ? Oui. Oui, tu m'entends ? Oui, je t'entends, je te laisse parler. Voilà, donc c'est sur VO et il y a sur un air d'accordéon tous les jours, hein, je crois. Ah oui, et puis c'est vraiment des émissions variées avec aussi des chanteurs, etc. Oui, voilà. Bah là, on va passer une petite Java. Tiens, champion de la Java, ça te dit ? Ah oui, champion de la Java, ça c'est une Java qui tricote, comme on dit, hein, un peu virtuose. Qui est joué à deux accordéons, moi et Sandrine Tarrère. Ah oui, d'accord. C'est également une animatrice de... Enfin, elle anime aussi une émission d'accordéon, je crois, non ? À la télé. Ah oui, à la télé. Je ne sais pas si ça a toujours lieu. On y avait été à leur émission, d'ailleurs. Ça s'appelait Ambiance Accordéon. Voilà, c'est ça, oui. Je ne sais pas si ça marche toujours, ça. D'accord. Mais on avait envoyé une Java ensemble à deux accordéons, ouais, qui s'appelle Champion de la Java. Champion de la Java. C'est une Java un peu qui tricote. Et puis, c'est sympa. Moi, j'aime bien les morceaux, tu sais, où il y a deux parties d'accordéon comme ça. Oui, la première et la deuxième voix. Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est beau, hein, quand c'est bien... bien ensemble, les notes coulent bien ensemble, c'est très joli, voilà. Donc champion de la Java, c'est pour les champions comme toi par exemple. Eh ben, comme les danseurs aussi, parce aussi. Que tu sais qu'il y en a, ils sont champions des mains sur les hanches, hein, les danseurs de Java. Ah oui, ben, là on sort la gavroche. Voilà. Le mégot, et puis le... Qu'est-ce qu'il faut d'autre aussi pour la Java? C'est tout, un petit foulard et allez, des bottes de vernis. Oui, et voilà la gavroche, le foulard et le mégot, voilà. Donc c'est parti. C'est parti. We'll be right back. Voilà, c'était Alexis Ballandier, hein, donc un ami que nous avons en commun. Ah oui. Voilà, le musette, c'est la Java. Et un super accordéoniste en plus. Oui, ah oui, c'est vrai qu'il est très doué. Hein. Voilà, il est très doué dans l'interprétation et dans la composition aussi. Parce qu'il compose et il donne des cours. C'est vrai qu'il est, il est très doué. Voilà. Même à la trompette. Ah, ça, j'ai jamais vu, moi. Tu l'as jamais vu? Non. Moi, je l'ai vu samedi dernier à la trompette. Ah non, c'est chouette, c'est chouette. Ah oui. Ça marche bien, les cuivres. Mmh. Nous, le trompettiste qu'on a dans l'orchestre, il joue toujours à chaque balle. Vraiment, à chaque fois, il fait une série de slow, tu sais, en solo, quoi. La trompette, oui. Moi, je joue pas du tout d'accordéon par-dessus, ça fait un tabac. D'accord. Ah bah, c'est vrai que c'est joli. Mmh. Une belle trompette. Même le saxo. Oui. Oui. Donc, on parlait de concours, là, tout à l'heure. Tu as déjà fait des concours, non? Moi, j'en ai fait plusieurs. Oui. Et ben maintenant, je suis passée un peu de l'autre côté de la barrière, hein, puisque chaque année, je suis au jury du trophée national, tu sais, d'accordéon. Ah oui, d'accord, oui. Qui était l'an dernier à Paris. Cette année, ça sera de nouveau en Bourgogne, à Semur. Ça y était en Bourgogne l'année d'avant. Oui. Donc là, maintenant, je suis plus tranquille, je suis derrière le bureau. D'accord, oui, tu fais le jury. Mmh. Voilà. D'accord. Et puis en parlant de récompenses, j'ai une bonne surprise en octobre, puisque je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai eu le prix Gus Wieser en octobre dernier. Là, voilà. Et c'était une surprise, puisque le prix Gus Wieser, peut-être que tu le sais, c'est un prix pour lequel on ne postule pas, tu vois. D'accord. On est choisi par les membres de l'Académie, donc c'est toujours surpris. Et j'ai eu cette belle surprise à Paris de me voir remettre le prix Gus Wieser 2017. Alors, tu vois, pour moi... qui suis issue d'origine modeste, qui joue de la musique traditionnelle et tout, tu vois, rien que d'en reparler, d'ailleurs, je suis encore émue, parce que c'était vraiment une belle reconnaissance de me voir remettre ce prix. D'accord, et surtout ce prix-là, quoi, Gus Wieser, c'est quand même important. Oui, hein. Oui, ouais. Et puis c'est un prix qui est attribué chaque année, tu sais, c'est pas du tout que dans le musette ou le jazz, ils choisissent vraiment des personnalités diverses, tu vois. Pollux, le créateur du Festival National d'Accordéon, se l'était vu attribuer aussi, oui. Une autre année, tu sais, c'est pas forcément non plus que des musiciens, c'est des personnalités, en fait, qui œuvrent pour l'accordéon. Et du coup, moi, j'ai eu cette récompense par rapport à mon travail pour la musique traditionnelle, les bals, etc. Mmh. Et je trouve, moi, j'étais déjà très, très heureuse hein, de me voir comme ça attribuer cette récompense à laquelle je pensais même pas, tu vois. Bah oui. Et en plus, je trouve ça super pour notre folklore, justement, auvergnat. Parce que ça permet de le mettre un peu sur le devant de la scène. Ouais, voilà, exactement. Mmh. Au lieu de, tu sais, toujours récompenser des accordéonistes plus ou moins classiques ou concertistes, etc. Mmh. Le fait que moi, j'ai le prix du viseur, une accordéoniste comme moi, tu vois, de balle, vraiment de qui fait danser, quoi, uniquement, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Mmh. Donc ça, ça faisait très longtemps, hein, du coup, que je ne m'étais pas vu attribuer une récompense. Ça m'avait vraiment fait plaisir, ce prix, parce que, tu sais... C'est toujours, on dit la reconnaissance des danseurs, etc. Moi, c'est très important pour moi. Ah bah oui. Mais comme ça, un prix attribué par les pairs, par les collègues musiciens, ça fait quand même vraiment plaisir. Ah bah oui, c'est sûr. Voilà, bah, félicitations alors. Eh ben, je te remercie. Il trône chez moi, ce diplôme. Mais oui. On en parlait tout à l'heure, justement. J'étais avec Frédéric Deschamps quand ils me l'ont remis. Et on était très heureux de fêter ça ensemble. Oui, oui. Eh ben c'est bien, ouais. Ben surtout avec Frédéric Deschamps en plus. Oui, c'est très voilà. On est très heureux. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va passer un petit tango si ça te dit, non? Allez, parce que tu as du tango aussi dans cet album, c'est oui. Un petit tango d'Auvergne. Ah bah ça c'est toujours un peu la connotation auvergnate, hein, tu l'as remarqué, on est chauvin, nous on aime beaucoup notre département. Oui. C'est un petit tango d'Auvergne, c'est un très joli tango qu'on a composé. Et oui. On parlait tout à l'heure des vrais instruments, tu sais, donc c'est une vraie trompette, un vrai saxon qui joue sur oui. Le CD. Oui. Puisqu'en fait c'est Benjamin qui enregistre tous les musiciens par un, c'est pas des arrangements automatiques. Oui. Et on a le trompettiste qui joue avec nous, Gilles. On a la chance qu'il soit aussi violoniste, c'est vraiment un excellent musicien. Oui, c'est un vrai violon alors. Voilà, sur ce tango, on y a volontairement laissé toute une partie où le violon est en avant en lui disant « tu as carte blanche ». Et c'est formidable parce que c'est un instrument qui se fait un petit peu rare dans les orchestres, le violon. Ah ouais, c'est vrai. Et l'entendre comme ça mêlé à l'accordéon musette, c'est magnifique. Ouais, c'est un des morceaux que je préfère sur ce disque. C'est un petit tango d'Auvergne avec le violon. Ouais, on l'avait passé, je crois aussi, parce que on a passé de ton album le tango et le rock. Ah bah tu vois, ça donne un aperçu du large répertoire. Voilà, c'était pour donner un petit aperçu, un avant-goût, quoi, si tu veux. Ouais, oui. Donc c'est vrai qu'il est très joli, ce tango. Voilà, c'est un petit tango d'Auvergne. Alors c'est de Serge Conrad, c'est ça? Oui, c'est Benjamin Baria qui l'a composé. Oui. Et on l'a proposé ensuite à nos amis musiciens, Serge Conja, on dit. Ah, c'est pas Conrad? Non. Ah, d'accord, je crois que c'était un R, moi, Conrad, non? C'est Conjad, Conjad. Ah bon? Oui. Voilà. Et également... Mathieu Martini. Voilà, tout à fait. D'accord. Et moi-même. Voilà, surtout toi. Voilà. Voilà, donc c'est toi là, qui est quand même la vedette aujourd'hui. Oh, bah, la vedette de rien du tout, tu sais. Mais moi, je trouve important, on en parlait tout à l'heure en antenne, je trouve important pour les compositions de bosser avec les copains, mais déjà parce qu'ils ont souvent, tu vois, comme on disait, Alexis Ballandier, du Raffour, tout ça, ils ont souvent des idées nouvelles. Hein, voilà. Plus d'idées dans deux têtes que dans une, évidemment. Mmh. Et puis surtout, moi, quelque chose qui est primordial, hein, j'allais dire très, très important, mais c'est plus que ça, c'est primordial, c'est de travailler avec les copains musiciens, tu vois. Oui. Vraiment avec des gens avec qui je m'entends bien, avec qui on est en contact toute l'année. Oui, il y a de l'amitié, quoi, il y a quelque chose. Voilà, moi j'aime quand les compositions, c'est le résultat d'une amitié, d'une idée commune, si c'est pour pratiquer quelque chose, dire « Tiens, bonjour, est-ce que vous voulez pas m'écrire la première partie, monsieur ?» tout ça. Moi, ça m'intéresse pas, j'aime qu'on ait une inspiration commune, et je trouve que c'est comme ça que la musique est vivante. Bah voilà, oui, c'est ça, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Donc voilà pour l'histoire du tango. Voilà, donc c'est parti, direction l'Argentine. Voilà. Ah oui, mais en Auvergne, là c'est l'Argentine en Auvergne. Bah oui. Allez, c'est parti, Nathalie Bernat. Sur le parquet, les tout petits pas des danseurs aux souliers cirés. C'est jusqu'à minuit, ou bien peut-être pour la vie. Si on le savait, on ne serait pas venu danser. C'est un petit tango d'Auvergne pour celles qui aiment les chansons en fermant les yeux, tu verras, on les entend mieux. C'est un petit tango d'Auvergne, moi les chansons je les connais, mais si tu fermes un peu les yeux, tu verras, on ne les oublie plus jamais. lâche mon bras, ou alors viens te pendre à mon cou. Le violon est là, on saura demain si l'on est fou. Amour ma chérie, ce soir permission de minuit, prête-moi ta main, je la garderai jusqu'à demain. C'est un petit tango d'Auvergne, tu vois j'aimais trop les chansons. Les chansons, ça me fait pleurer, on ferait mieux d'aller danser. C'est un petit tango d'Auvergne, ferme les yeux pour oublier. L'eau a beau couler sous les ponts, c'est bien avec toi que je veux danser. Voilà, merci pour les tangos et ce dernier tango. Alors, c'était Jérémy Vanro, Nathalie, tu vois. Ouais, très voilà. Sympa. Très et sympa. Il est bandonnéoniste aussi, ce Jérémy Vanro. Ah, Ah bah, c'est génial. Oui, un cordonnier bordonnéoniste. Et là, c'était de Paris à Buenos Aires, le titre. D'accord. Oui, on voyage, hein. Ah bah, la capitale du tango. On voyage. Entre l'Auvergne, Paris, Buenos Aires, tu vois, hein. Épinal. Et les Vosges, voilà. J'aime bien l'accent, moi. Et les Vosges. Donc, on a décidé, hors antenne, bien entendu, de faire un petit jeu. Donc, c'est pour tenter de vous faire gagner donc un CD que Nathalie vous offre. Oui, avec voilà. Grand plaisir, d'ailleurs. Alors, un grand merci à toi, Nathalie. Hein. Oh, ben, c'est avec bonheur. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas rappeler le titre de cet album, puisque c'est vous qui allez retrouver donc, le titre. Quel est le titre de cet album ? Bon, on en a parlé déjà plusieurs fois. Voilà, le tout dernier album, quoi, le tien. Alors, est-ce que c'est Étoile Auvergnate ? Étoile, on a dit quoi d'autre ? Occitane. Occitane ou Étoile ? Dévolutant. Volcanique. Voilà. Voilà. Alors, vous avez la bonne réponse, eh bien, un numéro, c'est le 03 29 62 40 40 à composer. Je répète, 03 29 62 40 40. Et alors, on vous enverra ça avec plaisir. Voilà, donc elle vous enverra en plus de ça avec une petite carte dédicacée. Bien sûr. Voilà. Et du parfum aussi, non ? Parfumé. Et puis, non, mais j'allais dire que les gens auraient pu venir le récupérer dans un des temps, mais on vient. Et ça fait un petit peu loin, oui. Et voilà. Oui, c'est sûr que c'est pas tout près. Il fait des vacances à l'Auvergne, il y a de prévu. Oui. Ou alors, venir le chercher carrément à Épinal. Lors voilà, des tournages d'un, deux, trois musettes, hein, au mois voilà. De juin. Pourquoi pas. Ça doit aller très vite, hein. Ah oui, ça passe vite, hein. Avril, mai, juin, c'est dans deux mois, alors. Oh. Donc, quel est le titre du tout dernier album de Nathalie Bernat que nous avons en ligne et que vous découvrez avec nous ? Donc, est-ce que c'est Étoile Auvergnate, Étoile volcanique ou Étoile occitane? Et c'est le titre aussi d'un morceau de l'album qu'on peut écouter si tu veux. Oui, bah oui. Bah on l'écoute. Allez, bah on dit pas le titre alors. On dit pas le titre alors. De la valse. De cette valse, alors c'est quoi? Donc voilà, c'est Étoile bip. Bon, tout ce qu'on sait, c'est que c'est de Jérôme Richard et Nathalie Bernat. Voilà. Cette valse. Voilà. Une équipe qui gagne. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. Allez, on aime bien les étoiles, hein. En tout cas dans cette partie. Il y a Étoile des Neiges, Étoile de Savoie, Étoile de Lorraine aussi, ça existe. Hein. Il y en a des étoiles. C'est un joli titre, ouais. Ah bah c'est vrai qu'une étoile, c'est beau. Voilà. On aime bien regarder les étoiles des fois la nuit quand il est. Oui. Tu regardes aussi toi les étoiles un peu ? Pas souvent. Pas souvent. Non, ouais. J'avoue. Bah moi tous les matins dans le miroir. Non, je plaisante. Ah bah, c'est pour rire. Hein. Bah, donc c'est parti, on vous attend au 03 29 62. T'as retenu le numéro ? Ah non, je l'ai pas retenu, non. Tu l'as pas retenu. Mais j'ai l'adresse du site, alors je peux le retrouver. Hein. Oui, mais le numéro de téléphone de la radio. Alors vas-y, dis-nous. 03 29 62 40 40. Impeccable. On vous attend pour le petit jeu. Allez, c'est parti. Étoile, bip. Thank you. Alors là, vous avez pu apprécier une autre accordéoniste qui nous vient de... Enfin, non, c'est pas vers Clermont-Ferrand, je sais plus c'est quoi là-bas. Nous avons Nathalie encore en ligne. Nathalie ? Non, elle n'est plus en ligne. Là, c'était Aurélie Gourbert, voilà. Et la bougnate de Alain Musichini et Michel Prouvot, donc que vous pouvez retrouver dans cet album de Aurélie Gourbert. Hein. Un album en 18 titres, voilà. Donc après la bourrée, eh bien on va continuer avec Nathalie Bernat. Et une polka, c'est la polka piquée Tétou. Nathalie, t'es là ? Non, il n'y a plus de Nathalie. Donc, la polka piquée Tétou, c'est signé Sébastien Perrin et Nathalie Bernat. Alors, n'oubliez pas le petit jeu. Eh bien, c'est pour tenter de vous faire gagner cet album de Nathalie Bernat, Étoile Occitane, ou alors Étoile Auvergnate, ou Étoile... Il faut nous redire le titre, hein. Ou Étoile Volcanique. Voilà, vous avez la bonne réponse, Étoile Volcanique, Étoile Occitane, ou Étoile Auvergnate. Voilà, ce sont les trois propositions. Et parmi ces trois, il n'y en a qu'une de bonne. Il faut nous redire laquelle au 03 29 62 40 40. Eh bien, place à la polka avec Nathalie Bernat. Polka piqué Tétou. We'll be right back. danser avec nous comme mon grand-père? Voulez-vous danser avec nous comme des petits fous? C'est la gavotte berrichonne que tout le monde fredonne. C'est si amusant après tout, allez suivez-nous. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la l'air. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la la. Au Brésil ou bien au Pérou, moi dans mes valises, j'emmène ce petit air de chez nous pour tenir le coup. Le monde se lève pour danser, je fais des ravages. Un petit coup de gavotte berrichonne et nos corps résonnent. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la l'air. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la. Alors là, c'était la gavotte berrichonne avec Franck Salé, et son album en 14 titres hein, qui s'appelle Instant Musette. Enfin non, Souvenir Musette, c'est pas Instant Musette, c'est Souvenir Musette, voilà. Je savais qu'il y avait Musette, mais non, c'était pas Instant, c'est Souvenir Musette. 14 titres avec la gavotte berrichonne. Signé Emmanuel Blanchet et Franck Salé. Voilà. Pour les polkas. Alors à présent, voici un petit peu de tendresse et le slow. Alors le slow. Donc ce premier slow, alors c'est un internaute qui nous écoute, hein, tout comme Nathalie qui nous écoute sur radioguimozo.eu actuellement. Alors là, c'est Étienne Masson. Et il nous emmène danser ce premier slow, ça s'appelle L'été bleu. Voilà, Étienne Masson, donc c'est pour vous, Haute-Saônois, Haute-Saônoises, Vosgiens, Vosgiennes, Alsaciens, Alsaciennes, Varois, Varoises, et Bourguignons et Bourguignonnes. Voilà. Étienne Masson, et juste après, bien, ça sera Nathalie Bernat avec un slow également, qu'elle a enregistré dans son tout dernier album qui s'appelle, ben oui, c'est le jeu hein, de ce samedi. Il faut nous redire quel est le titre de l'album de Nathalie Bernat. Alors, est-ce que c'est Étoile Auvergnate, Étoile Volcanique ou Étoile Occitane? Donc, ça sera Maman la plus belle du monde. Allez, en piste avec la tendresse, le slow, Étienne Masson, Nathalie Bernat. Et restez bien branchés sur le 107.0 et 88.1, Radio Guimauzo et Résonance FM. Maman, tu es la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux blancs. Tu es, maman, la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras, maman, tu mets ton bras. Maman, c'est toi la plus belle du monde, car tant d'amour inonde tes jolis yeux. Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge le petit enfant sage des jours heureux. J'avais fait des rêves où l'on m'aimait sans trêve, mais les rêves s'achèvent et toi seul m'es resté. Maman, tu es la plus belle du monde, et lorsque tout s'effondre autour de moi, maman, toi tu es là. Voilà, superbe interprétation de Nathalie Bernat et son orchestre, hein, Maman la plus belle du monde. Voilà, c'est son tout dernier album que nous découvrons aujourd'hui à Nathalie Bernat. Et après la tendresse, et vu qu'il est midi, eh bien on va mettre les Santiago au pied. Pour aller à table. On va y aller en Santiago à table. Donc c'est l'heure du rock'n'roll. Voilà, un très joli rock'n'roll. Alors c'est parti avec le rock'n'roll. Les Santiago au pied, c'est le titre. Et je vous rappelle la question. Pour tenter de vous faire gagner cet album de Nathalie Bernat, son tout dernier album. Alors comment s'appelle-t-il ? Est-ce que c'est Étoile, Volcanique, Occitane ou Auvergnate ? Il y en a un sur les trois de bons, et lequel ? Eh bien, pour participer, il vous suffit de composer le 03 29 62 40 40. Je répète, 03 29 62 40 40. Thank you. C'est l'Europe de Charlie avec son harlée. Les vieilles légendes sont tatouées, ils sont évoquées. C'est le rock de Charlie avec son harlée. Les vieilles légendes sont tatouées, ils sont évoquées. Femme, je vous aime. femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, je vous aime. Je ne sais pas parler aux femmes, je ne sais pas quoi leur dire, je ne sais pas quoi faire. Je suis timide, c'est comme ça. Pourtant les femmes, je les adore. Quand je les regarde dans les yeux, je tremble comme une feuille. Je suis timide, c'est comme ça. Femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, je vous aime. Femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, je vous aime. Je les adore. Quand je les regarde dans les yeux, je tremble comme une feuille. Je suis timide, c'est comme ça. Femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, je vous aime. Femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, je vous aime. Femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, je vous aime. Femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, je vous aime. Eh bien là, c'était l'orchestre Tony Fontaine et Claudio et ce rock'n'roll qui s'appelle « Je ne sais pas parler aux femmes ». Extrait de leur album « L'ambiance italienne volume 4 ». Et après le rock'n'roll, eh bien on continue avec Nathalie Bernat. Et un petit Boston, et c'est le Boston pour ma blonde, alors c'est parti pour le Boston, pour les bostonneurs et les bostonneuses. Et c'est de Jérôme Bauduit. Alors c'est Jérôme Bauduit, pour tout vous dire, c'est l'accordéoniste de Patrick Sébastien, de Benjamin Baria et Nathalie Bernat. Allez, Boston pour ma blonde. Thank you. Et c'était Christophe Pesset dans Musette Partie, hein, avec ce dernier Boston, un très joli Boston, Nuit au Grand Bornand. Signé Jackie Delange, Jean-Louis Noton, Christophe Pesset et Jean-Michel Sonnera, extrait de son album à Christophe Pesset, Balade en Savoie, volume 2. D'ailleurs, il fait très, très bien, très bon se balader en ce moment, hein, en Savoie, avec ce beau soleil dans les montagnes, c'est agréable. Voilà. Eh bien, après le Boston, on va aller danser le Sirtaki. Le Sirtaki, eh bien, c'est Nathalie Bernat, toujours, hein, avec son tout dernier album. Et on va aller dans les rues d'Athènes. Alors, direction la Grèce, hein. Et c'est Nathalie Bernat que l'on découvre aujourd'hui, que l'on reprendra tout à l'heure en ligne, hein. On lui souhaite un bon appétit, en tout cas, à Nathalie. Alors, on va aller dans les rues d'Athènes avec Nathalie. Et le deuxième Sirtaki, eh bien, ça sera un Sirtaki extrait du tout dernier album de notre ami Martial Vulmain, qui s'appelle Dansons aux quatre saisons. Dansons au rythme des quatre saisons, voilà, plutôt. Allez, rue d'Athènes, Nathalie Bernat. Thank you. Merci à notre ami Martial Villemain. Et c'était Sir Taki Barry. Extrait du tout dernier album de Martial Villemain. Un album en 20 titres avec inclus ce Sir Taki. Il y a de la samba, il y a de tout. Il y a de la java, de la scottish, du tango, des marches, du kuduro, du bayon, la cumbia, la polka, des marches, du lead kiss également. Voilà, merci à notre ami Martial d'Eloi, dans les Vosges, un Vosgien. Eh bien alors, après le Sir Taki, après la Grèce, eh bien on va aller dans les montagnes avec deux dédicaces. Alors là, ce sont deux dédicaces de la part d'auditrices et d'auditeurs qui nous écoutent. Un grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à Radio Gemozo. Alors la première, eh bien c'est de la part de Monique. C'est pour Hubert à l'occasion de leurs 62 ans de mariage. Et c'est aujourd'hui. Alors en tout cas, on leur souhaite beaucoup de bonheur en cet anniversaire de mariage. Et ils ont demandé l'étoile des troubadours. Donc ça sera Nicolas Violet, cette étoile des troubadours. Encore une étoile. Nicolas Violet, extrait de son album qui s'appelle Spécial Roger Essy. Donc ce sont tous des morceaux de Roger Essy interprétés par Nicolas Violet. C'est Nicolas Violet interprète Roger Essy. Et pourquoi Roger Essy? Eh bien parce que Roger Essy, il a composé l'Étoile des Troubadours. Et oui, c'est lui le célèbre compositeur de cette valse. Donc l'Étoile des Troubadours, ça c'est la première dédicace. Et la deuxième, alors c'est de la part de Gigi. C'est pour Daniel, voilà, Daniel Letz, qui nous écoute sur le 107.0 du côté de la Chapelle au Bois. Alors merci de nous écouter et ce sera Amour des Montagnes avec le duo Christelle Jean-Blanc et Cyril Renaud. Amour des Montagnes, une valse de Pierre-Alain Krumnacher, Joël Saint-Hillé et de Cyril Renaud. Voilà, allez, c'est parti pour les valses. N'oubliez pas dans quelques instants l'agenda qui aura lieu juste après les valses. Et on fera le tirage au sort avec Nathalie Bernat en direct d'Auvergne. Juste après. Alors restez bien branchés sur le 107.0. Et place à la valse. Passe par la Corrèze, prends le chemin du bonheur. Tu longeras les falaises, tu sentiras en ton cœur que la nature y est belle, car elle a donné le jour à une étoile célèbre, l'étoile des troubadours. Dans un petit coin de bruyère, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des Molinières, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre, tant il y aura de jour. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours.

Vous pourrez danser dans les Vosges ce week-end, notamment du côté du Tio, aux variétés. Alors vous pourrez y danser demain, comme chaque dimanche, de 14h30 à 19h. Et demain, dimanche 8 avril, eh bien, ça sera Hippolyte Corigliano. Aux variétés, donc au Tio. Et le dimanche 15 avril, eh bien, ça sera notre ami Guy Goujon, également de 14h30 à 19h. Aux variétés. Alors le numéro de téléphone c'est le 03 29 25 01 01. Je répète, 03 29 25 01 01. Toujours dans les Vosges, eh bien il y a la maison Léonard à Épinal. Alors demain, dimanche 8 avril, dès midi, il y aura le repas dansant, hein, comme d'habitude, et le thé dansant à partir de 14h jusqu'à 19h. Et donc ce dimanche 8 avril, vous pourrez y danser avec l'orchestre Goldfinger. Goldfinger. C'est l'hiver, l'été. L'hiver, l'été. Donc ça, ça sera pour demain, dimanche 8 avril. Le samedi 14, de 20h à 3h du matin, eh bien, il y aura un repas dansant ce samedi 14 avril à la maison Léonard. Hein, donc voilà, si vous voulez réserver vos places, il n'y a pas de souci. Ça sera animé par un grand orchestre. Et le dimanche 15 avril, eh bien, dès midi, il y aura le repas. Et dès 14h, le thé dansant jusqu'à 19h avec l'orchestre Stanlore. Donc à la maison Léonard d'Épinal. Le numéro de téléphone, eh bien, c'est le 03 29 34 31 65. Je répète, 03 29 34 31 65. Dans les Vosges, eh bien, il y a également dans les Vosges, eh bien, le dancing Le Petit Creux. Donc, c'est à Madone et Lameray, entre Dompère et Épinal. Alors demain, vous pourrez y danser, demain dimanche 8 avril, de 14h30 à 19h avec notre ami Frédéric Buche. Et le prochain thé dansant, eh bien, aura lieu le dimanche 22 avril avec notre ami José et Ramon Pereira. Donc le 22 avril, au Petit Creux, à Madone et Lameray. Alors le numéro de téléphone eh bien, du Petit Creux, c'est le 03 29 43 11 16. Je répète, 03 29 43 11 16 ou alors 06 09 08 54 82. Je répète, 06 09 08 54 82. De la danse, dans une super ambiance. Les accords du pont musette. Dans les Vosges, toujours, eh bien, il y a le Pierraco aussi à côté de Bruyères, à Lavelines devant Bruyères. Alors demain, de 14h30 à 19h, eh bien, vous pourrez y danser comme chaque dimanche. Et demain, ça sera animé par Christelle Jeanblanc. Donc demain, dimanche 8 avril, et le dimanche 15 avril, eh bien, vous pourrez également y danser de 14h30 à 19h au Pierraco, à Lavelines devant Bruyères. Alors le numéro de téléphone, c'est le 03 29 58 50 65, je répète, 03 29 58 50 65. Allez, on change de région maintenant, enfin toujours dans la même région du moins, on change de département, dans la Meuse. Dans la Meuse, eh bien, il y a le Madison à côté de Bar-le-Duc à Revigny-sur-Ornain. Et vous pourrez y danser demain, dimanche 8 avril, de 14h30 à 19h. « Et vous pourrez y danser avec votre serviteur Cyril Renaud, donc demain au Madison de Revigny-sur-Orne. Alors le numéro de téléphone pour plus d'infos, c'est le 03 29 75 06 25, je répète 03 29 75 06 25. Alors après la Meuse, eh bien il y a la Meurthe-et-Moselle. Notamment du côté de la Danse des Anges à Allain, à côté de Colombey-les-Belles. Alors vous pourrez y danser ce week-end. Alors demain, dimanche 8 avril, eh bien vous pourrez y danser de 14h30 à 19h avec Martial Picard. Et ce jeudi 12 avril, comme chaque jeudi, on y danse là-bas à Allain, à la Danse des Anges. Alors vous pourrez y danser avec l'orchestre Jean-Claude Daniel. Et ce vendredi 13 avril, eh bien vous pourrez y danser avec Martial, également Martial Picard. Pour une soirée rétro. Le vendredi 13 et le dimanche 15, eh bien, vous pourrez y danser. Le dimanche 15, oui, j'ai bien dit, le 15 avril, vous pourrez y danser avec le duo José et Ramon Pereira à Allain, donc à côté de Colombey-les-Belles, en Meurthe-et-Moselle. Et autrement, je vous y donne là-bas rendez-vous le 22 avril. Alors, le numéro de téléphone pour plus d'infos concernant la Danse des Anges à Allain, c'est le 03 83 25 07 33. Je répète, 03 83 25 07 33 ou alors 06 72 57 14 44. Je répète, 06 72 57 14 44. Dans la Meurthe-et-Moselle, eh bien, à Velay-Nant, à côté de Nancy, entre Nancy et Toul, eh bien, vous pourrez y danser demain, dimanche 8 avril, avec notre ami Stéphane Courte-Renoux, de 14h30 à 19h. Et le 15 avril, eh bien, vous pourrez également y danser le dimanche 15 avec l'orchestre Jean-Claude Daniel. Le numéro de téléphone de Lausanne, donc à Velay-Nant, c'est le 06 79 17 36 97. Je répète, 06 79 17 36 97. Du côté de la Champagne-Ardenne, eh bien, il y a en Haute-Marne, eh bien, le Foulon à Bourbonne-les-Bains. Alors, vous pourrez y danser demain dimanche 8 avril de 15h à 20h avec notre ami Benoît Chabot. Et ce mercredi 11 de 15h à 19h30, vous pourrez y danser avec votre serviteur Cyril Renaud. Le dimanche 15 avril de 15h à 20h, eh bien, ça sera Eric Schmitt au Foulon, toujours à Bourbonne-les-Bains. Et n'oubliez pas de réserver votre mercredi gourmand dès midi, le mercredi 18 avril. Au menu, ce sera un couscous. Et ce sera animé par notre ami Michel Boisjol. Alors réservez dès maintenant votre table au 03 25 90 02 57. Je répète, 03 25 90 02 57. Toujours en Haute-Marne, entre Langres et Dijon, eh bien, il y a la Niche à Domarien. Alors, vous pourrez y danser demain, dimanche 8 avril, avec l'orchestre Amalgame et Christelle Arrault à l'accordéon, de 15h à 20h. Et le 15 avril, eh bien, ce sera notre ami Martial Villemain. Le dimanche 15 avec Martial Villemain, 15h à 20h à la Niche. Hein. Le numéro de téléphone, eh bien, c'est le 03 25 88 30 55. Je répète, 03 25 88 30 55. Et n'oubliez pas le week-end prochain, donc le week-end le 15 avril, le dimanche 15, bien vous pourrez danser en Côte d'Or avec Christelle Jeanblanc au Bal Lazare. Plus précisément à La Roche-Vanneau. Et ça sera de 16h à 21h. Hein. Le thé dansant animé par Christelle Jeanblanc. Donc le numéro de téléphone du Bal Lazare, c'est le 06 12 11 64 39. Je répète, 06 12 11 64 39. Donc c'est en Côte d'Or, hein, en Bourgogne. Et quant à votre serviteur, eh bien, je vous y donne rendez-vous au Bleu d'Avaux, en Côte d'Or. C'est également en Côte d'Or, au Bleu d'Avaux, à Julianay. Et ça sera ce même jour, le 15 avril, mais de 15h à 20h. Alors pour plus d'infos, contactez le Bleu d'Avaux au 06 41 19 55 61. Je répète, 06 41 19 55 61. Voilà, vous savez tout sur l'actualité des thés dansants dans votre région. Dansons, chantons tous avec Musette Party. C'est réussi, Musette Party a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Cœur bien plein d'entrain, chassant tous nos soucis. Et puis Musette Party, c'est notre vie. Et c'est parti, dansons, chantons tous avec Musette Party. C'est réussi, Musette Party a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la folie guette, ça remplira les cœurs de joie, de bonheur. Pour oublier jusqu'à demain toute peine et tout chagrin, un peu d'accordéon, c'est bon. Eh bien, auditrices, auditeurs, et oui, nous sommes toujours là. Donc, on a refait le lien avec Nathalie en ligne. Voilà, tu es revenue. Je suis revenue, mais c'est à l'écoute, ouais. Voilà, tu étais toujours... T'as voulu passer auditrice, hein. Enfin, interne. Ah oui. Ben, c'est très pratique avec l'ordinateur, comme ça. Ah ben, je oui. Réécouterai d'autres samedi à l'occasion. Eh ben, c'est gentil, merci à toi, en tout cas. Voilà. Voilà, bah c'est déjà la fin de l'émission, enfin, c'est déjà ou seulement, ça dépend. Mm-hmm. Oui. Enfin, ça passe vite, hein. Ça, c'est vrai que ça passe vite, oui. Oui, c'est surtout vrai en direct comme ça. Bon, on voit pas le temps passer, hein. Oui. Mais bon, quand on est en direct, on déborde toujours un petit peu, hein. Tu vois, on a débordé de trois quarts d'heure. Oui. Mais bon, ils sont souples, la radio Guimauzou, on les remercie hein, quand même. Hein. Merci non, à toutes, d'ailleurs à toutes ces petites radios comme ça, on les remercie parce que c'est bien, ils défendent l'accordéon. Bah oui, c'est voilà. Chouette d'avoir des belles émissions comme ça dans toutes voilà. Les régions, impeccable. Il y en a aussi voilà. Chez vous, tu passes sur combien de radios oui, à peu près ouais, nous, il y en a un paquet, il y a des petites radios locales, oui. Il y en a qui sont plus vraiment très très locales et d'autres qui émettent un peu plus loin, tu vois, bon, oui. C'est les week-ends, hein, que ce soit le samedi, le dimanche matin, on a aussi une radio dans la Lozère qui fait les lundis soirs, elle, d'accordéon, oui. Mais on a la chance ouais, d'avoir des émissions d'accordéon aussi. En général, c'est beaucoup le dimanche peut-être, hein, le dimanche. Voilà, oui. Dimanche, samedi, lundi, voilà. Oui. Il y en a, c'est tous les jours. Oui. Oui. Donc, un grand merci à toi, Nathalie, hein, pour ce CD aussi que tu nous as offert pour le plaisir, le plus grand plaisir des oreilles des auditrices, des auditeurs. Eh bien, avec plaisir, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité sur ta radio. Avec grand plaisir, à refaire, hein, oui. Pour le prochain. Avec plaisir. Voilà. Et on lui souhaite beaucoup de succès à cet album. Bah, je pense qu'il est déjà bien parti là, hein, depuis novembre. Ah oui, ça a très bien démarré, le DVD aussi, on est très heureux de l'accueil qu'il reçoit. Et puis tu vois, les gens sont tous très positifs quant au fait que les titres soient très variés, comme on disait. Hein, ça oui. Va de la bourrée auvergnate, rock'n'roll, en passant par le tango, le boléro, la cumbia, il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui. Et je pense que c'est la bonne recette, tu vois, qu'on a appliquée, vu les avis positifs qu'on reçoit de tous les mélomanes et des danseurs. Eh ben tant mieux, tant mieux. Voilà, en tout cas il y a 21 titres et on va quand même, si tu veux bien, donner le bon titre alors de cet album, parce qu'il y avait alors, le jeu. Alors ça s'appelle « Étoile Occitane ». « Étoile Occitane », voilà. Voilà. Il y en a qui ont donné « Étoile Auvergnate », il y en a qui n'ont pas, enfin qui ont pris en cours de route l'émission. Et... Oui. Bon bah malheureusement ils ont perdu. Et bien comme ça ils sont au courant pour la prochaine fois. Voilà, « Étoile Occitane », c'est la bonne réponse hein, qu'il fallait donner. Et donc le tirage au sort, eh bien, c'est... Le prénom ? C'est Gilberte qui a gagné. Voilà, c'est Gilberte, eh oui. Gilberte et Daniel Lett, enfin c'est un couple. Hein. On les remercie. À monsieur et madame Lett, ben, du coup, je t'envoie leur adresse. Ou... Avec grand plaisir. Oui, voilà. Eh ben, un grand merci à toi. Merci Cyril pour ton émission. Bravo pour tout ce que tu fais pour l'accordéon chaque semaine. Oh, ben, c'est formidable. Plaisir. Et puis à très bientôt sur un tournage télé ou à la radio alors. Eh ben avec grand plaisir. Bah c'est un jour tu as l'occasion de venir dans les studios de Radio Guimauzou, c'est avec plaisir. Ça sera encore mieux hein. Avec plaisir. Bah oui. Et le bonjour à Benjamin. Eh ben ça sera fait. Ça sera voilà. Fait. On prend la route tout à l'heure. Et donc ce week-end au programme c'est. Donc, si tu veux leur dire... Là, on est dans l'Aveyron, et puis demain, à Villefranche-sur-Cher, c'est le 41 vers Vierzon. Voilà, donc voilà, c'est là qui nous écoute. Hein. Lundi, on prend la route pour les tournages télé de Michel Pruvot. Voilà. Ils sont à Abbeville, dans le nord de la France. Dans la Somme. Voilà, pour tourner donc mardi et mercredi. Jeudi 12, on est à l'auberge de la Sauzée à Saint-Cyr-les-Vignes, c'est le 42. Vendredi 13, on est dans le Tarn, en soirée à Rabastin. Samedi 14, à Murat dans le Cantal. Et dimanche 15, à Gap, dans le sud de la France. Voilà pour la semaine en musique. C'est les Alpes, ça, non? Les Alpes Gap, de Haute-Provence, exactement. Du côté de chez Manu et Elena Patras. Exactement, voilà. Exactement. On fait un... Dansant au Quattro, à Gap, c'est une très belle salle de spectacle. Juste avant nous, il y aura l'organiste Rodascott qui est bien connu. Il y a aussi Julien Doré qui est programmé dans cette salle. Ah, l'humoriste oui. Jeff Panaclop. Voilà, c'est un grand bonheur pour nous d'avoir décroché ce contrat musette dans cette belle salle. Et tu vas les voir alors? Oh ben non, parce qu'ils ne sont pas programmés le même jour. Ah bon, mince. Mais on est très heureux de jouer comme ça dans une Tu vas voir Pierre-Yves. Pierre-Yves Lombard. Pierre-Yves. Oui, voilà. Ça, ok. Bon bah ma foi, gros bisous à toi, le bonjour à tout le monde, bonne continuation et on merci. Va quand même donner ton numéro de téléphone aussi, hein, s'il y en a qui veulent se procurer ton album. Voilà, et ben il me laisse un message chez moi avec plaisir, c'est le 04 63 08 28 31, pour ceux qui veulent le CD. D'accord, ou alors t'as un site, t'as aussi internet? Voilà, il faut taper Nathalie Bernat dans Google et c'est très simple d'utilisation. Voilà, il suffit de taper ton nom, ton prénom et voilà. Voilà, et roule ma poule. Dans Google et puis là vous arrivez sur notre site, ça dit bienvenue sur le site officiel, vous pouvez pas vous tromper, on est en photo partout. D'accord, très bien. Voilà, merci. Merci, puis à bientôt. À tout bientôt. Salut merci, Nathalie. Salut, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc merci à Nathalie et merci à vous également, hein, auditrices, auditeurs, hein, sans qui il n'y aurait pas d'émission aussi. Donc on va se quitter avec de la tendresse. Alors c'est ce premier slow, c'est des slows encore une fois. Eh bien oui, ce premier slow, eh bien ça sera l'Ave Maria. Bon, c'est un auditeur qui a demandé ce morceau. Mais seulement Nathalie Bernat, ben, je ne l'ai pas interprété par Nathalie Bernat. Donc ça sera par Michel Pruvot. L'Ave Maria de Gounod. Extrait de l'album de Michel Pruvot, le meilleur de Michel Pruvot, un best-of en 24 titres. Donc on se quitte avec l'Ave Maria et le deuxième slow, eh bien ça sera Mama la me Polinda del Monde. Alors là c'est en occitan, voilà, ça sera la maman la plus belle du monde que vous avez déjà pu avoir tout à l'heure en français. Et là ça sera en occitan. Donc interprété par l'orchestre de Nathalie Bernat et Nathalie Bernat, bien entendu. Alors, un grand merci à vous. Rendez-vous demain dimanche sur les ondes de Radio Guémozo 107.0 dès 7h. Demain dimanche et sur Résonance FM dès 5h sur le 88.1 à la Bresse. Et autrement, rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de Musette Partie. Voilà. Allez, portez-vous bien. Gros bisous à vous. Et ah oui, la dédicace, donc l'Ave Maria, c'est de la part de Louis, hein, de Louis, et c'est pour Bernadette qui aura 80 ans mercredi. Voilà, donc bon anniversaire, avec un petit peu d'avance, à Bernadette. Et merci à Louis, voilà Louis qui nous écoute. J'espère que Bernadette aussi. Hein. Allez, l'Ave Maria, Michel Pruvot. Salut! ma main à costume, là est ma poule d'or des moudes, cap mai à la roue, est ma poule Asperio, mes esses l'omino di noce del poro di in tutes mus viages ai vis de paisages mas res non val pas mate de tus pulis perdises a costume ma la mai pulido de mundo e ma gioie spriondo un amumbra ma ma ne test umbra ma ma a costume la mai polidor del mundo che tomba murazzato tu spulizues perdu per dar sui ancaro munace lo picciu ti infinzace dez giù ruse de suomi un tutto il mondo mai mabo ma su suomi s'accavo e tu su nome de muado a costume mamma la mai polido del mondo e quanto sciobolisse lento de io mamma tu sois sotto